Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à l'émission Connaître Ensemble. Nous sommes de retour de la semaine de relâche. C'est l'émission des étudiantes au bac en pratique sage-femme pour tout connaître en périnatalité. Aujourd'hui, on parle d'un sujet, la diversité culturelle et l'accouchement. On reçoit l'étudiante Sarah Naël Barama. Bonjour Sarah. Allô. Alors Sarah, qui a fait un travail de session justement sur les diversités culturelles et l'accouchement, plus particulièrement l'islam, et qui vient nous en parler aujourd'hui. Alors, Sarah, d'abord, quel est le sens, la perception de la périnatalité pour l'islam? Ben, la naissance est une énergie qui est respectée dans plusieurs cultures, dans plusieurs religions, et entre autres dans l'islam. La périnatalité a toujours été un lieu sacré, rempli de bénédictions divines. Le mot arabe est baraka, qui est aussi dans le dictionnaire Larousse. Donc la périnatalité est un lieu qui est entièrement investi par la religion, par les rituels, par la foi et surtout par la confiance et l'abandon en Dieu. C'est un lieu de rencontre et d'élévation spirituelle. Alors, pour mieux comprendre le lien avec la naissance dans l'islam, quelle est la valeur de l'être humain dans l'islam? Oui, on ne peut comprendre la valeur de la naissance sans parler de la valeur de l'homme dans l'islam. L'homme n'est pas un accident de la nature. D'ailleurs, le Coran dit, dans plusieurs passages, que l'homme appartient à Dieu et c'est vers lui qu'est notre destinée. Le Coran aussi dit « Nous avons anobli les fils d'Adam ». Donc l'homme est considéré comme étant le représentant de Dieu sur terre et son rang est plus élevé que celui des anges. La naissance d'un être humain est donc un événement spirituel de très haute importance. Avant de rentrer dans les détails vraiment en ce qui concerne la périnatalité discutée dans le Coran, on va parler un peu d'islam en général. Qui est le prophète Mohammed pour ceux qui ne le connaîtraient pas tout à fait? Ok. Donc l'islam d'abord est une religion monothéiste qui prend sa lignée avec Abraham. Et le prophète Mohammed est le dernier des prophètes envoyés sur terre, le premier étant Adam, le premier homme. Et il est considéré comme étant le parfait exemple à suivre. Et sa conduite, qu'on appelle sunna, est l'exemple le plus parfait dont les musulmans s'inspirent. Le sens de la famille pour l'islam, quel est-il? La famille est le microcosme de la société. Et c'est aussi l'institution fondamentale pour l'épanouissement des enfants. C'est le premier endroit de socialisation, mais c'est aussi l'endroit d'apprentissage et d'épanouissement de la foi. Et au cœur de cette famille, il y a la mère, qui doit à jamais être vénérée. C'est une injonction divine. Je cite le Coran, « Craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et faites révérence au ventre qui vous a porté. » Le prophète Mohammed a aussi dit, le paradis se trouve sous les pieds des mères. Donc, les mères, les femmes ont une grande importance. Ah, sans équivoque. Et aussi, être une mère est une promotion spirituelle pour la femme. Et la descendance est toujours considérée comme un bienfait, comme une baraka. Ce qui était intéressant dans le travail que tu as fait pour le cours où est-ce que tu as fait ce travail-là, c'est de parler aussi de l'évolution du fœtus. Comment c'était vu par les textes sacrés? En effet, la naissance, la conception, la grossesse et la naissance sont des miracles, sont considérés par les musulmans comme des miracles de la création. Et ces miracles-là ont été traités dans les textes sacrés et aussi dans les enseignements du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il y a des découvertes scientifiques récentes qui avaient déjà été révélées il y a plus de 14 siècles, c'est-à-dire au moment de l'islam, du début de l'islam. Et c'est là, assez fantastique de savoir ça. Oui, oui, oui, c'est une... je peux vous lire un verset du Coran. « Ô homme, c'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon formé aussi bien qu'informe, pour vous montrer notre omnipotence, et nous déposerons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Puis nous vous en sortirons à l'état de bébé pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. » Donc, j'ai lu une traduction, mais les mots utilisés pour décrire ce développement, les étapes du développement embryonnaire sont la noutfa, qui signifie goutte de sperme et ovule, Et ensuite, il y a le mot alaqa qui correspond à la zygote morule. Et littéralement, alaqa signifie une chose qui s'accroche. Alors, qui fait référence à l'implantation... Oui, du zygote, de la morule. Du conceptus. De... Oui. Ensuite, il y a la troisième étape embryonnaire qui est celle de la mudra. Et lors de l'implantation, et mudra signifie une chose mastiquée, et ça fait allusion à l'apparence de chewing-gum de l'embryon lors de ses premières semaines d'implantation. Ensuite, on a aussi d'autres paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui prononces à chaque fois après Mohammed un autre mot, juste pour savoir quel est cet autre mot. Oui, je l'ai pas expliqué. À chaque fois qu'on nomme les prophètes, de quels qu'ils soient, et surtout le prophète Mohammed, on leur souhaite la paix et le salut. Donc en arabe, sallallahu alayhi wa sallam, qui signifie sur lui la paix et le salut. Mais donc c'est une marque de respect envers les hommes et les femmes de Dieu. Merci de cette précision. De rien. Donc parmi ces enseignements, il nous a enseigné, et là je cite ses paroles à lui, Allah Tout-Puissant a désigné un ange pour gérer l'utérus. Cet ange dit « Seigneur, c'est à présent un sperme et ovule, notre fin. Seigneur, c'est à présent une chose qui s'accroche, alaqa. Seigneur, ça ressemble à présent à une chair mastiquée, mudra. Puis lorsqu'il souhaite achever ce travail, il demande au Seigneur des mondes 40 à 45 jours après que le sperme et ovule, notre fin, soit tombé dans l'utérus. Seigneur, sera-t-il misérable ou heureux ? Puis la réponse est inscrite. Ensuite, il demande « Seigneur, mâle ou femelle ?» Puis la réponse est inscrite, ainsi que ses actes, sa progéniture, le terme de sa vie et ses provisions. Puis les informations sont pliées et rien de plus ne peut être rajouté ou enlevé. Et ce qui est très intéressant dans ces passages-là, c'est que ce qui est souligné, c'est que la détermination du sexe, mâle ou femelle, se fait à 40-45 jours. C'est quelque chose, que la science vient de... La science de l'embryologie moderne a démontré récemment qu'effectivement, la détermination du sexe a lieu dans le courant de la sixième semaine de gestation, donc entre le 40e et 45e jour. Un autre élément qui a été de l'embryologie qui a été traité par les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'insufflement de l'âme. Il nous a enseigné que pour chacun d'entre vous, les composantes de sa création sont rassemblées à l'intérieur du ventre de sa mère pour une période de 40 jours. Puis il y demeurera deux autres périodes de la même durée, après quoi un ange est envoyé pour lui insuffler l'esprit. 40 plus 40 plus 40 est égal à 120 jours. Donc l'insufflement de l'âme, selon l'enseignement du prophète Mohammed, a lieu au 120e jour. Et c'est en effet à cette date-là que coïncide le moment où le système respiratoire s'amorce. Et le lien entre le souffle et l'âme... Est présent dans plusieurs religions. En fait, absolument. Même, C'est pour ça qu'en français, dans la langue française, quand on parle de mort, on parle du départ de l'âme en disant « rendre son dernier souffle ». Dans l'islam, que recommande-t-on aux femmes durant la grossesse? Est-ce que la religion se prononce là-dessus? Oui, partout, surtout dans le Coran. L'intérêt divin pour la grossesse est très marqué dans le Coran et ainsi que... Que ce verset l'illustre, c'est lui qui vous donne forme dans les matrices comme il veut. Point de divinité à part lui, le sage, le puissant. Qui peut pénétrer le mystère de la vie sinon Allah? Allah sait ce que porte chaque femelle et de combien la période de gestation dans la matrice est écourtée ou prolongée. Et toute chose auprès de lui à sa mesure. Donc, la grossesse est une étape dans la vie d'une femme. C'est une étape spirituelle de très grande importance. Et c'est pour cela la meilleure préparation d'une maman en devenir est de se tourner vers son Seigneur et de faire beaucoup d'invocations et se souvenir de son Seigneur. De réciter le Coran avant, pendant et après l'accouchement. Et Dieu dit dans le Saint-Coran, c'est par le souvenir d'Allah que les cœurs goûtent à la sérénité. Donc voilà ce qui facilite la grossesse, l'accouchement, qui bénéficie autant à l'enfant qu'à la mère. Et en particulier, il y a deux formules qui sont d'un très grand secours. La ilaha illallah, nulle divinité sinon Dieu. Et Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alayhi wa sallam. La paix et le salut sur Muhammad et les siens. Est-ce que c'est des paroles que les gens vont réciter pendant l'accouchement? Oui, oui, oui. J'ai moi-même été à des accouchements avec des femmes musulmanes qui criaient le nom d'Allah pendant leur poussée. Voilà. Ah oui. Et c'est la femme qui doit le dire ou ça peut être les proches autour? Tout le monde pour inviter les anges à assister. Mais surtout la femme, car c'est elle qui est le plus proche de son enfant. Mm-hmm. Est-ce que, dans le fond, les accouchements, à présent, comment est-ce que, si on essaie de se figurer, comment un accouchement avec une femme qui est musulmane, pratiquante, se passerait, si ça se passe, dans le fond, selon ses désirs, comment est-ce que ça se passerait? Si on peut imaginer, est-ce qu'il y a les grandes différences par rapport à ce que ça serait une femme catholique ici, non pratiquante? Ben, c'est une question qui est un peu délicate quelque part, parce que bon, là je parle de l'islam, j'ai parlé de l'islam dans mon travail de session. Il faut savoir que on peut être face à des femmes qui viennent de pays, de cultures musulmanes, mais qui ne sont pas nécessairement pratiquantes ou croyantes. Donc il faut, en tant que sage-femme, parce que c'est la relation qu'on va avoir avec elle, il faut investiguer, il faut connaître, il faut faire connaissance avec ses valeurs et ses croyances. Parce qu'encore une fois, elle peut être musulmane, mais pas croyante, bon, je veux dire, de culture musulmane, mais pas pratiquante. Et de degré de différence aussi dans la croyance. Mais généralement, pour les femmes musulmanes pratiquantes, la pudeur est une très grande vertu, donc c'est quelque chose à respecter. Par exemple, si son voile tombe pendant son travail, juste le relever un petit peu. Oui, parce qu'elle porte le voile à tout moment. Oui. Il est recommandé pour les femmes musulmanes d'être voilées, même au moment de l'accouchement. Oui. Quoi d'autre? Donc, cacher la peau. Faire attention aussi à son vocabulaire. Et demander si on peut citer les parties génitales. Parce que des fois, ça peut créer un malaise. Et c'est à peu près tout ce à quoi je peux penser. Puis au niveau de la présence homme-femme, est-ce qu'il y a une préférence pour un des deux sexes pour les professionnels de la santé? Ah, ça c'est très important parce que dans l'islam, il est recommandé au père de ne pas être présent pendant l'accouchement parce que c'est une histoire de femme. Et par contre, on leur recommande de passer ce temps-là en prière. Leur rôle, cependant, ils jouent un rôle actif dès la naissance du bébé. Donc, c'est une histoire de femme, l'accouchement. Donc, il est recommandé aux femmes musulmanes et la plupart se sentent plus à l'aise avec un suivi par des professionnels de la santé qui sont des femmes plutôt que des hommes. Ah, c'est très intéressant. Revenons un peu, avant de continuer à plonger dans qu'est-ce que les pratiques qui peuvent aider les femmes musulmanes à bien vivre leur accouchement. Dans l'islam, quelle est la place du mariage? Parce que je crois que aussi tout ce qui est autour du couple peut aider à comprendre les importances lors de la grossesse, de l'accouchement. Alors, quelle est l'importance du mariage, sa place, ses buts? Absolument. Le mariage est un engagement sacré devant le Créateur. Et se marier, c'est se soumettre à ses lois, c'est le glorifier. D'ailleurs, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le mariage, c'est la moitié de la religion. » Donc, le mariage et la procréation sont, pour les croyants, des obligations religieuses. Le but du mariage musulman est bien sûr la procréation, mais c'est aussi la création d'une dynamique d'amour et d'intimité sur la base solide de la compatibilité spirituelle. Dans la structure familiale islamique, le mari est le chef de la famille. Et les deux époux ont l'obligation d'être gracieux l'un envers l'autre. Aussi dans la relation entre époux, la consultation, qui apporte beaucoup de bénédictions, beaucoup de barakas, a une grande importance. Donc c'est ce qu'on peut dire à propos du mariage. Et avant la pause, peux-tu nous parler un peu de la perception des rapports sexuels, l'acceptation ou dans la religion islamique, de oui. ce que tu en connais? Ben, les rapports sexuels, le péché de chair n'existe pas entre époux. Donc, et d'ailleurs, l'acte sexuel doit être régulier pour l'équilibre du couple, pardon. Et on recommande, les juristes ont recommandé une fois tous les 4 jours au minimum. Même si, par contre, il est mal vu de parler de sa sexualité et de s'ouvrir sur son intimité avec d'autres personnes. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur du couple... Que l'acte est mal vu lui-même. Oui, voilà. Ah, c'est intéressant. Juste le fait d'en parler, il faut protéger son intimité. C'est quelque chose de très important pour les musulmans. Ouais. Ben merci Sarah Naël. Tu continues avec nous après la pause. Alors nous avons un peu parlé de qu'est-ce qu'était l'islam, un peu nous avons parlé du couple, de la perception des rapports sexuels, des choses qui entourent la grossesse aussi, la famille, etc. La place de la mère. Après la pause, on aborde encore d'autres éléments qui peuvent nous aider à comprendre. Quel est le vécu des femmes musulmanes de leur grossesse, de leur accouchement, du postnatal? Mais aussi, on essaie de répondre à la question comment aborder la différence culturelle dans les suivis sage-femme? Comment la sage-femme peut-elle essayer d'accompagner ces femmes-là sans être de la même religion que les femmes les femmes et les hommes qu'elles suivent? Alors, nous serons de retour après la pause, après une chanson de Amélie Lefebvre, qui est auteure, compositeur, interprète, qui vient de Toronto et qui, cette année, est lauréate de nouveau de la Trille d'or avec sa chanson « Comme t'es ». À tout de suite. Ça va? Je t'aime comme t'es, yeah, yeah. Je t'aime comme t'es, yeah, yeah. Même quand je te reproche les tours que t'as dans tes poches, des idées entêtées qui me semblaient sensées. Comment la passion cède-t-elle à la raison et la dépendance qui mène la cadence. Mais je t'aime comme t'es, yeah, yeah. Je t'aime comme t'es, yeah, yeah. On n'a plus de temps à perdre à se défendre, qu'on se rende puis qu'on s'avoue qu'on est bien ça. J't'aime comme t'es, yeah, yeah. J't'aime comme t'es, yeah, yeah. J't'aime comme t'es, yeah, yeah. T'es trop d'habitudes qui me remplissent d'inquiétude. Ton sourire profond qui me fait tourner en rond. Ta manie de me dire que tu m'aimes a pu finir. Sans le verre dans mes voix, tu me le redire demain. Mais j't'aime comme t'es. J't'aime comme t'es, yeah, yeah. On a plus de temps à perdre à se défendre, qu'on se rende puis qu'on s'avoue qu'on est bien à ça. J't'aime comme t'es, yeah, yeah. J't'aime comme t'es, yeah, yeah. J't'aime comme t'es, yeah, yeah. De ton petit peu don à la ride sur ton front, allure sûre pour n'importe quelle gageure. Des fois quand tu te couches trop proche de ma bouche, je voudrais te mordre le nez au lieu de t'embrasser. Mais je t'aime comme t'es, yeah, yeah. Je t'aime comme t'es, yeah, yeah. Je t'aime comme t'es, yeah, yeah. Je t'aime comme t'es, yeah, yeah. On n'a plus de temps à perdre à se défendre, puis qu'on s'avoue qu'on est bien ça. J't'aime comme t'es, yeah, yeah. J't'aime comme t'es, yeah, yeah. Tes petits mots doux qui ronronnent dans mon cou, ton regard charmeur qui efface mes peurs. J't'aime comme t'es, yeah, yeah, yeah, yeah. J't'aime comme t'es, yeah, yeah. J't'aime comme t'es, yeah, yeah, yeah, yeah. êtes de retour à l'émission Connaître Ensemble, l'émission des étudiantes au bac en pratique sage-femme. Alors, aujourd'hui, le sujet que nous abordons, c'est les diversités culturelles et l'accouchement, et plus particulièrement l'islam. Et on discute de tout ça avec Sarah Naël Barama, qui est étudiante, elle aussi, en première année. Et je suis votre animatrice, Mélina Castonguay, au micro. Nous allons continuer à parler un peu des visions de l'islam en ce qui concerne des choses qui sont autour de la sexualité, autour de la grossesse aussi. Et puis, nous essaierons de répondre à la question, comment la sage-femme peut-elle aborder la diversité culturelle? Comment peut-elle faire le suivi des femmes qui ne sont pas nécessairement de sa religion, ou si même elle n'est pas croyante? Alors, continuons en parlant un peu de la contraception. Comment dans l'islam la contraception est-elle vue, Sarah? D'accord. Le plaisir des rapports intimes est illicite et encouragé en lui-même. Et donc, il est permis pour un couple marié de prendre plaisir sans nécessairement concevoir. Donc, la contraception est tolérée, mais elle n'est pas encouragée. La seule forme pratiquée jusqu'à notre époque moderne était le couille interrompu. Mais de nos jours, le condom, la pilule et autres articles sont tolérés. Mais toutefois, la ligation des tubes et les méthodes de stérilisation permanente sont interdites. Et y a-t-il des raisons pour lesquelles la contraception n'est pas admise? Par exemple, tu m'avais parlé un peu de les raisons financières. Est-ce que ça... On ne peut pas avoir recours à une contraception pour des raisons financières. Quelles sont les raisons... dans ce cas, qui peuvent mener à tolérer la contraception? Quelle raison pourrait avoir le couple de ne pas vouloir concevoir? Ils vont donner des réponses personnelles, mais une pourrait être, par exemple, laisser un peu de repos à la maman après un accouchement, lui donner le temps de reprendre ses énergies, de refaire sa santé, avant de s'embarquer physiologiquement. Oui. Physiologiquement, c'est important. Et aussi, c'est aussi un débat présent au Québec, les tests de dépistage de maladies congénitales, par exemple, est-ce qu'ils sont pratiqués? Comment sont-ils acceptés? Il y a plusieurs opinions sur le sujet, mais généralement, il y a plusieurs juristes musulmans qui considèrent l'utilisation d'ultrasons comme un péché. Parce que le Coran dit que Allah aime ceux qui lui font confiance. Et donc, pour ces juristes, Dieu a caché les bébés dans le ventre de leur mère. Et lorsque Dieu entame son travail de création, il envoie des anges à l'ouvrage, comme je l'ai dit dans la citation de tout à l'heure. Et ces anges ne veulent pas être dérangés ou exposés par des ondes qui leur sont très nuisibles. Et par le doute aussi, parce que ça fait référence au doute des parents de la normalité de leur enfant. Exactement. On pourrait aussi discuter de la normalité, mais bon, c'est pas le sujet de l'émission, mais c'est... La confiance. La confiance. Mais au sujet des ultrasons, il y a plusieurs études scientifiques récentes qui ont remis en question la sécurité des ultrasons et des échographies. Parce qu'il semblerait y avoir une forte association avec l'autisme et d'autres troubles. Ouais, c'est assez controversé, mais effectivement, il y a des recherches qui tendent à démontrer que ça ne serait pas totalement sans risque de faire ces interventions-là. Mais bon, les recherches qu'ils démontrent de façon vraiment absolue sont plutôt rares encore. Ouais. Mais le doute peut être présent tout de même. Alors, on n'a pas parlé encore beaucoup des pères. Ah oui, en fait, les pères... Brièvement. Oui, on en a parlé brièvement. Oui. Mais j'imagine que ça doit dépendre du degré de croyance aussi. Au Québec, par exemple, une famille musulmane pourrait décider que le père est actif lors de l'accouchement. Est-ce que tu as vu ça, toi, dans tes accompagnements? Oui, une fois, j'ai vu un père musulman. J'ai vu beaucoup de choses parce que j'ai fait de l'accompagnement dans le passé, et j'ai accompagné des couples musulmans dont il y avait un couple de musulmans qui venait d'Asie, et ils venaient d'arriver, c'était des immigrants récents. Puis le père était là pendant l'accouchement, pendant tout le travail et à la naissance de sa fille. Et pour un autre couple, c'était des musulmans québécois. Donc d'origine québécoise, mes musulmans pratiquants Donc le père nous a précédés dans la salle d'accouchement, il a fait des prières, il a fait des récitations, puis après il est sorti, il nous a laissés avec la maman. Et puis on ne l'a pas revu jusqu'à la naissance de sa fille. Donc il faut juste être sensible aux préférences des parents, mais la recommandation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est de laisser l'accouchement entre femmes, entre les femmes, parce que c'est une histoire de femmes. Par contre, comme je l'ai dit tantôt, le père joue un rôle très actif dès la naissance du bébé. Et là, je peux parler de quelques rituels auxquels le bébé est initié à sa naissance. Donc, dès la naissance de l'enfant, le père va prendre son bébé dans les bras et lui réciter à l'oreille droite l'appel à la prière, ce qu'on appelle en arabe le adhan. Donc en français, ça donne Dieu est le plus grand et Mohammed est le prophète de Dieu. Venez à la prière, venez goûter à la plénitude. Et puis dans l'oreille gauche, il lui récite la profession de foi. Il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son prophète. Et à l'oreille gauche, il récite la même chose, le témoignage de foi. Donc ce rituel se fait aussi et est accompagné d'un autre rituel qu'on appelle le tahnik. Donc avec lequel on va insérer dans la bouche du bébé un morceau de datte ou un peu de miel pour qu'il associe le goût sucré à la prière. Donc ces rituels démontrent une fois de plus l'importance vitale des valeurs religieuses dans la vie familiale. Et de plus, ces rituels auraient certaines vertus sur le nouveau-né, qui lui permettraient de commencer sa vie sur de bonnes bases, en lui offrant la protection et la bénédiction du Créateur. Et ce rite peut aussi être complété par la lecture de versets coraniques ou d'autres prières. Selon la préférence des parents. Voilà. On a parlé tout à l'heure des pratiques importantes et... En fait, j'aimerais qu'on parle à nos auditeurs d'une chose qui nous avait frappé. On avait eu un cours sur la violence conjugale. Puis on... veux-tu nous parler en quoi on pourrait avoir, peut-être, en tant que professionnelle québécoise, une vision différente ou qu'on pourrait suspecter de la violence conjugale alors qu'il n'en a pas? Comment est-ce que vous voyez ça? Oui, eh ben, le cours auquel tu fais référence, on avait été... On nous avait pratiquement dit que quand la communication entre le couple devant le professionnel n'était pas fluide, ou si la femme, ou si l'homme parlait plus répondait, que la femme, ouais, c'est quand l'homme répondait pour la femme. C'était un signe de il fallait soupçonner la violence conjugale. Ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué parce que dans la tradition musulmane, comme j'ai dit tantôt, le père est le chef de la famille. Donc c'est lui qui est en charge de tout ce qui a rapport avec l'extérieur de la maison. On passe par lui pour arriver à sa femme. La mère a un rôle très important à l'intérieur de la famille, à l'intérieur du foyer, mais c'est le mari qui a un rôle prédominant à l'extérieur. Donc, par exemple, il se peut que ça arrive que des couples musulmans très traditionnels, devant un médecin ou devant une sage-femme, ça soit l'homme qui réponde pour la femme ou qui il parle au nom de sa femme. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est plus un rôle de porte-parole qu'un rôle que par domination, par violence. Mmh. Donc, c'est sûr que pour en tant que professionnel québécois, ça peut être quand même une grande différence parce qu'on sait qu'on va privilégier des moments aussi où on n'en parlera qu'à la femme pour s'assurer qu'elle nous confie ses sentiments profonds. Oui. Ben ça n'empêche pas de se faire. Il suffit de on pourrait par exemple demander au père si on pourrait avoir la possibilité de parler toute seule avec la mère. Il faut je pense que le plus important est de pouvoir communiquer, et quand on a des obstacles de communication parce qu'on n'est pas habitué à un mode de communication, il faut être humble avec soi-même et demander Comment est-ce qu'on peut faire? Demander au père comment est-ce qu'on pourrait faire pour parler avec la mère, s'il accepterait ça, si la mère serait confortable aussi à ce qu'on lui parle en tête à tête. Ouais. Est-ce que selon toi, il y a des cas où la femme voudrait s'exprimer et où la présence de son mari va l'empêcher de le faire? Ben, je pense que là, on déborde le cadre de l'islam. Parce que ça, c'est quelque chose qui... qui relève beaucoup de la vie personnelle aussi. De la vie personnelle du couple, quelle que soit leur religion ou leur culture. C'est quelque chose encore qui revient à la communication, à l'art de la communication, puis aussi à l'intuition de la sage-femme, du professionnel de la santé, tout en restant ouvert s'il s'agit d'une particularité culturelle. Il faut rester ouvert à ça. Tout à fait, tout à fait. Et puis, quelles sont les pratiques de l'islam qui marquent le post-natal, après l'accouchement? Tu nous as parlé des pères, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ben, l'accouchement, c'est un grand moment pour toute la communauté. C'est aussi le moment de rassemblement des générations précédentes, si la famille est là, parce qu'on est dans un pays d'émigration, donc parfois les jeunes couples n'ont pas leur famille auprès d'eux. Mais traditionnellement, les mères, les grand-mères, les tantes, tout le monde se réunit, et tout le monde est là pour offrir son soutien à la nouvelle famille. Parmi les rituels qui sont pratiqués dans le postnatal, il y a la Aqiqa, et c'est la fête de la naissance, qui se célèbre 7 jours après la venue du nouveau-né. Donc au 7e jour de la naissance, on sacrifie un mouton en hommage au sacrifice que Abraham a fait pour Dieu. Et on offre la viande du mouton, de ce mouton, en aumône. Et on offre le reste comme repas. Parce que la bête sacrifiée pour la naissance de l'enfant constitue à la fois une offrande, et un acte, une grâce et un acte de rachat. Et c'est aussi un moment pour fêter et se réjouir de la naissance. Il faut aussi envoyer un morceau il est aussi recommandé d'envoyer un morceau de gigot à la sage-femme. Ça, c'est parfait, ça. Oui. Donc, lors de cette fête, la Aqiqa au 7e jour, c'est aussi à ce moment-là qu'on donne le nom à l'enfant. Ça ne se fait pas au moment de la naissance. Et troisième rituel, qui n'est pas toujours pratiqué, mais qui est recommandé, on rase les cheveux de l'enfant et on distribue aux pauvres leur poids en argent. Et donc, pourquoi raser les cheveux? Parce qu'ils évoquent non seulement la beauté et le désir, mais aussi c'est une zone d'entre-deux, où communiquent le corps et l'au-delà du corps, et dans laquelle le mâle peut s'installer. Donc on laisse le bébé commencer sa vie avec une nouvelle tête. Waouh! Et aussi, un autre rituel qui est pratiqué, chez les garçons seulement, et ce, jusqu'à l'âge de 7 ans, c'est la circoncision. La circoncision est une source de symbole d'entrée dans la communauté des croyants. C'est aussi un symbole de la descendance d'Abraham. Et petite particularité, elle nécessite idéalement 10 témoins masculins et ça doit avoir lieu avant l'aube. Et encore une fois, là, j'ai laissé libre, mais idéalement avant 7 ans. Et puis, nous approchons de la fin, mais parlons brièvement aussi de l'allaitement. Est-ce que c'est prôné dans cette culture? Absolument. Le Coran est rempli d'enseignements à tous les stades de la vie de l'humain, et ceci dans tous les domaines. Et entre autres, il recommande l'allaitement, la proximité de chair avec le nourrisson, et il conseille même quand le sevrage devrait avoir lieu. Donc, dès sa première respiration, le nouveau-né doit avoir reconnaissance à son créateur et à ses génitrices. Et là, je cite le Coran. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Pourquoi alors, deux recommande ans à 2 ans. Oui, 2 ans. Et pourquoi 2 ans? Parce que après 2 ans, les dents de lait chez l'homme sont complètement sorties. Et donc c'est la limite naturelle de l'allaitement. Et puis parlons un peu plus de la sage-femme. Est-ce qu'il y a des conditions qu'elle doit respecter, une façon d'être? Oui, donc la sage-femme musulmane, c'est une hôtesse d'accueil spirituel. J'ai parlé tout le long de l'importance de la relation de l'homme et de la femme avec Dieu. Et donc, la sage-femme, il y a une formule qui est très importante pour les musulmans, qui est la suivante. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Donc la sage-femme, traditionnellement, est une femme religieuse qui est disponible, qui a assisté à plusieurs accouchements et qui est appelée au moment d'accueillir l'enfant, et elle est là pour dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, pour dire ces paroles-là. Pour dire ces paroles-là, pour que l'enfant soit accueilli avec le nom de Dieu. Donc, quelques particularités de la pratique des sages-femmes musulmanes, c'est de se laver avant d'aller assister à un accouchement, de se laver le corps intégralement, ce qu'on appelle la grande ablution, et ensuite de faire deux prières pour que tout se passe bien. Ensuite, il y a des versets, des chapitres spécifiques du Coran qui sont, dont la lecture est recommandée. Et encore une fois, juste être là pour faire des invocations, pour maintenir une bonne énergie dans l'espace. Alors là, on parle d'une sage-femme musulmane. Par exemple, prenons l'exemple d'une sage-femme québécoise. Comment, en fait, c'est quelque chose de très personnel. On sort des généralités, des plus grandes généralités de l'islam. Comment, selon toi, une sage-femme québécoise peut-elle aborder justement le suivi avec la femme? Est-ce que la femme musulmane s'attend à ce que la sage-femme agisse comme si elle était elle-même musulmane? Je peux pas répondre pour toutes les femmes musulmanes. Mais on peut dire que nous-mêmes, en tant que futures sages-femmes, notre rôle n'est pas d'attendre, comme Isabelle Brabant le disait ce matin, c'est pas de s'attendre à ce que les femmes viennent nous rencontrer. Nous, c'est à nous de faire le cheminement vers elles. Donc, à faire preuve d'humilité et d'ouverture d'esprit surtout. C'est à nous de savoir quelles sont les valeurs de cette femme, quelle que soit sa religion, quelle que soit son ethnie ou son niveau social. C'est à nous de prendre connaissance de ses valeurs, quelles sont ses références à elle. Dans le fond, le suivi, le prénatal va nous servir à déterminer les choses. On peut lui demander, bref, quels sont les rituels qui sont les plus importants pour vous? Oui, d'ailleurs, je pense que ça fait partie de notre formulaire standard. Parmi les questions à poser, est-ce que vous avez des pratiques religieuses qu'on doit... Ou des pratiques, il y en a qui... Peut-être pratiques spirituelles aussi, il y a des gens qui vont plutôt appeler ça comme ça, des façons de faire ou juste... Un désir que les choses se passent ainsi, ça n'a pas besoin d'être relié à une religion, mais des choses particulières. Oui, absolument. Donc, le travail revient à nous. Est-ce que tu penses que des femmes pourraient se sentir offusquées? Parce que moi, ce serait ma peur, en fait, d'avoir l'impression d'être une intruse, d'être une imposteur si je prononçais des prières qui ne sont pas de ma religion, par exemple. Est-ce que tu penses que ça pourrait arriver? Que toi, tu te ressentes ou que la femme... Que la femme se ressente... Que se sente... peut-être pas jusqu'à dire irrespectée, mais sente que c'est un peu profane, que c'est... En tout cas, je peux parler pour l'islam. Là. Je sais pas si c'est la même chose pour d'autres religions, mais l'islam n'est pas une religion exclusive. Donc, au contraire... réciter des prières ou même juste une formule comme Bismillah au nom de Dieu je peux l'assurer sera très bien accueilli par la femme, par le couple et par l'enfant. Alors tout ça, ouais, c'est à vérifier quand même avec le couple. De toute façon, on a la chance d'en parler avant avec le couple. Et j'aimais beaucoup l'analogie avec le caméléon que tu faisais, puis qui justement était des propos de notre cours de ce matin, justement, qu'on doit aller à la rencontre et un peu, même si nous, parfois, c'est des choses qui ne sont pas de nos croyances, on peut s'adapter puis pour le faire parce qu'on sait que pour la femme, pour le couple, c'est important. Oui, absolument. Oui, c'est un cadeau qu'on leur offre. Tout à fait. Oui. Merci beaucoup, Sarah Naël, d'avoir été disponible pour nous parler de l'islam. Merci à toi, Mélina. Alors, la semaine prochaine, nous aurons une étudiante, Sophie Beaudoin-Dion, qui est aussi dans l'équipe radio, qui viendra nous parler du fonctionnement de l'Organisation mondiale de la santé. En effet, elle a participé à une simulation la semaine dernière organisée par l'Université McGill. Alors, c'est quelque chose qui va pouvoir être bien intéressant. Nous allons parler des différentes déclarations en lien avec l'allaitement, l'accouchement. Aussi, dans nos prochaines semaines, alors nous allons avoir d'autres étudiantes qui vont venir nous parler. On aura aussi une émission consacrée au 10e anniversaire du baccalauréat en pratique sage-femme, car rappelons-le, l'année 2009 est une année bien spéciale pour les sages-femmes. Donc, 10 ans du baccalauréat, 10 ans de la légalisation et 15 ans des maisons de naissance. Alors, c'était tout pour cette semaine. Merci d'avoir été avec nous à l'antenne de C'est fou. C'était l'émission Connaître ensemble et votre animatrice, Mélina Castonguay. Bonne semaine!